My friend, oh, oh, my friend. Que ton âme repose en paix aux cieux. Que tu gardes ton âme. Et cela c'est mon seul vœu. Que te donne la paix éternelle. Que ton âme repose en paix aux cieux. Que tu gardes ton âme. Et cela c'est mon seul vœu. Again, yo, yo, yo. De souvenirs qui me reviennent dans mon little Brita. Car tous les gens ne s'attendaient pas à ton départ. Entre la vie et la mort, il n'y a qu'un pas. En moi tout satisse, une haine et un amour pour toi. Mais pourquoi de cette façon? Pourquoi? Tant de questions restent sans réponse. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi il n'y a pas de raison? Oh non, pourquoi? Non. Pourquoi? Mais tu sais qu'on t'aime. On t'aime, my brother. Boom. Que ton âme repose en paix aux cieux. Que tu gardes ton âme. Et cela c'est mon seul vœu. Que te donne la paix éternelle. Que ton âme repose en paix aux cieux. Que tu gardes ton âme. Et cela c'est mon seul vœu. Again, you're my sister, boom. À toi qui es si belle. Je prie tous les jours que Dieu fait pour qu'il te donne des ailes. Il te donne des ailes. Je suis sûr que c'est ton étoile qui brille dans le ciel. De te savoir à ses côtés, pour moi c'est l'essentiel, oui elle. Mon amour pour toi sera toujours éternel. Parce que dans mon cœur tu resteras celle qui m'inspire la joie de vivre. Yeah, I. Et cela se voit sur ton visage par un seul sourire. Yeah, I. Oh ma sister, que ton âme repose en paix aux yeux. Que tu gardes ton âme. Et cela c'est mon seul vœu. Que te donne la paix éternelle. Que ton âme repose en paix aux yeux. Que tu gardes ton âme. Et cela c'est mon seul vœu. Mon seul vœu. Qui te donne la paix éternelle. Et ton âme repose en paix aux yeux. Que tu gardes ton âme. Cela c'est mon seul vœu, hey. C'est mon seul vœu, hey. Que ton âme repose en paix aux cieux. Et cela c'est, mon seul vœu, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Que ton âme repose en paix aux yeux. Tu gardes ton âme, hey. Et cela c'est mon seul vœu, mon seul vœu, mon seul vœu. Ton âme repose en paix aux cieux. Yeah, yeah. Et cela c'est mon seul vœu. Yeah, yeah.